Ceci n'est pas un hymne à l'amour, c'est juste une chansonnette qui, je le sais, tombera un jour au fond des oubliettes. Un air de déjà entendu, de mots mille fois murmurés, pour un petit bout de vécu de gens qui se sont aimés. Ici rue Saint-Vincent, passe la vie, passe le temps. Ici rue Saint-Vincent, passe la vie, passe des gens. Parfois juste pour un instant, quand les regards se croisent, d'autres pour un peu plus longtemps, roman de quelques pages. Moi j'ai connu un peu les deux, mais la dernière image d'elle m'a fait comprendre que je ne suis que de passage. Ici rue Saint-Vincent, passe la vie, passe le temps. Ici rue Saint-Vincent, passe la vie, passe les gens. On met sa vie à rechercher les uns et les autres, ce qu'on a si souvent effleuré quand on en oublie l'autre. Ses yeux je les ai suppliés, armés de quelques roses, mais ils se sont vite refermés, ce fut une courte pause. Ici rue Saint-Vincent, passe la vie, passe le temps. Ici rue Saint-Vincent, passe la vie, passe les gens. Depuis je ne recherche plus parmi tous ces visages, elle ne descendra plus la rue promise au mariage. Alors puisqu'il me faut l'oublier, ma douce desiderata, encore longtemps je resterai esclave de mes sols mirella. Loin de la rue Saint-Vincent, passe la vie, passe le temps. Loin de la rue Saint-Vincent, passe la vie, passe les gens. Loin de la rue Saint-Vincent, passe la vie, passe le temps. Loin de la rue Saint-Vincent, passe la vie, passe les gens. Ceci n'est pas un hymne à l'amour, c'est juste une chansonnette qui, je le sais, tombera un jour au fond des oubliettes.